nous saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu asubuhi mjina la Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur. Tu nampikia Bwana asante. Parce qu'il nous donne encore le temps pour se préparer. Sababu anatupatia kutena wakati ya shii kujitayarisha. Pendant que nous sommes ici. Mwili wakati shii tuko hapa. Il y a des frères et des sœurs qui sont en difficulté. Kuko banduku na madada beko magumu. Ils sont persécutés pour cette parole. Beko na mateswa juu ya ineno. Les autres sont lapidés. Bengine beko ne bauwa na maibwe. Les autres sont en fuite. Bengine beko na kimbia. Mais Dieu nous a fait grâce. Lakini si Mungu atufanyia neema. Pour qu'on soit ici. Ndio tupatikane hapa. Afin d'écouter une portion de sa parole. Ndio kushikia semu ya neno lake. Avec un objectif de nous préparer. Na kifukuzio kashie kujitayarisha. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tukunongolea kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. C'est l'objectif qui nous rassemble ici. Ndio kifukuzio kinyeke tukusanisha hapa. Le message du temps de la fin. Ujumbe wakati ya mwisho. N'a pas été envoyé pour former une nouvelle dénomination. Ah, aikutumiwe nju tuanze zebu mupya. Le message du temps de la fin fut envoyé pour sortir les élus de toutes les dénominations. Mujumbe wakati ya mwisho utumiwa nju ya kutosha bateule mu mazebu yote. De tous les paganismes. Mubu pagano bote. Du monde, Mudunia, du péché, Muzambi, de tout ce qui est faux, Mubile biote, mingwabia bongo, avec un objectif na kifukuzio, de préparer ses élus, ya kutayarisha bateule yake, parce que bientôt Jésus-Christ viendra les chercher. Sababu Yesu Kristo anako batafuta sasa. Si vous êtes venu ici avec un autre objectif, kama ulikuja hapa na kifukuzio kingine, que celui de l'enlèvement, kama ina tu ile ya kunyanyuliwa, tu es malvenu. Ah, ulikuwa mbaya. Et ton cœur n'est pas droit. Na moyo wako aina ya kunyoloka. Et tu ne feras pas de grands progrès. Na hautaendelea. Tu finiras par abandonner la foi. Mwisho yote utacha imani. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les prédications qui sont données ici, toutes les exhortations, tous les enseignements ont un seul objectif, celui de préparer l'épouse à l'enlèvement. Si vous voulez rester membre de l'église, c'est ton problème. Parce que nous ne savons pas pourquoi tu es venu ici. Nous tous rassemblés ici. Chacun est venu avec un objectif. Mais l'objectif des élus, c'est naître de nouveau, de marcher dans la vérité par la voie de la sanctification, en obéissant à toute la vérité, en recevant le baptême du Saint-Esprit et en attendant le Seigneur qui vient chercher son épouse. C'est pourquoi, avant de commencer cet enseignement sur la voie du salut, nous avons pris cette semaine de transition, c'est-à-dire de transition de chevauchement. Pour un chevauchement, c'est vous passer d'une étape à une autre. kutoka ku mambo mengine kwenda mambo mengine. Pour réveiller l'esprit de l'église. Juu kuamsha zamiri ya kanisa. Et pour que chacun de nous sache que Jésus-Christ est à la porte. C'est comme le Saint-Esprit le disait dans les jours passés. Il y a beaucoup de signes qui annoncent le retour du Seigneur. Il y a les signes lointains. Il y a les signes proches. Il y a les signes de l'extérieur. Il y a les signes de l'intérieur. Il y a certains signes qui ne peuvent être vus que par les élus. Même si vous êtes ici, vous ne les verrez pas. Si vous n'avez pas été prédestiné, allez dans l'enlèvement. Les autres signes peuvent être vus de tout le monde. Des païens, des politiciens, des religieux. Ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est plus important, c'est lorsque nous voyons les signes qui concernent les élus, cela réveille notre esprit. Et cela nous pousse à nous préparer. C'est pourquoi nous avons parlé de différentes choses. De ce comportement que les croyants ont aujourd'hui. Et le comportement du monde extérieur. Moi, je ne parle pas souvent de l'extérieur. Si vous avez déjà remarqué, je parle souvent. Je parle souvent de l'intérieur. Parce que le message s'adresse à ceux qui attendent le retour du Seigneur. Jésus-Christ et Paul nous a dit, nous ne sommes pas de ténèbres pour que ce jour-là vienne nous surprendre. Nous sommes les enfants de la lumière et nous devons marcher dans la lumière. Nous voyons même comment les frères et les sœurs viennent à l'église. Il y a des frères et des sœurs visiblement. Quand on prend le thermomètre de la parole de Dieu, même sans prendre le thermomètre de la parole de Dieu, avec l'œil charnel, on voit que ce frère ici n'est pas venu pour le salut. Ce frère n'est pas venu pour le salut. Cette soeur n'est pas venu pour le salut. Il ne prend pas son âme au sérieux. Il ne prend pas sa préparation au sérieux. Il vit dans la négligence, dans une distraction totale. Vous voyez quelqu'un qui quitte sa maison comme un dimanche et dit je vais écouter la parole. Il ne participe en rien au déroulement du culte. Ça, c'est déjà faux. Il est le kitu à bongo. Un frère vient ou une sœur vient. Nuku anakuya wala dada. Temps de communiquer, il n'est pas là. Mwakati ya tangazo anamu. Pendant la prière, mwakati il n'est pas kumba, là ou il n'est pas anamu, là. Wala anamu mwanamu. Quand on commence à louer le mwakati Seigneur, il n'est pas là. Ya anamu kanisa. Et quand il vient dans l'église, na pala kwa mkanisa, il commence. Et 10 minutes après, kisha il commence à somnoler. Ananza kulala. C'est un aventurier. Ule ni mfanya tu mchezo. Il n'est pas un concerné. Ah, il m'a envoyé mon garie. Je crois nous trouvons des frères ici et des sœurs derrière. Pendant que l'église est en train de louer, moi, quand tu tournes si fou, mon. Il se dambile ici. Et la jungluka jungka tu m'en pangom. Il fait, je ne sais pas, le diacre ou les policiers. Ni siwe anakuwa policier ou alankuwa shimasha tu es. Comment un tel homme peut s'attendre à aller au ciel? Namna kani mungu wa vile anezikupu. Chunga kwenda kumbingwa la Mungu amfachie kitu fulani. Non bien aimé frère. Pana ndugu mpendwa. C'est pourquoi du kwa maana Dieu a toujours raison. Mungu anakala paka na sheria. Dans les derniers jours, mashiku ya mwisho, il sera difficile d'être chrétien. Itakuwa nguvu kigumu kabisa kuwa mkristo. Et quand vous suivez Deuxième Timothée chapitre 3. Il dit, il y a des gens qui sont corrompus d'entendement. Ils sont corrompus dans leur entendement. Ce sont des gens qui apprennent toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Des années et des années, ils ne changent pas, ils ne comprennent rien. Ni exhortation, ni enseignement, ni prédication. Mais ils sont néanmoins membres de l'Église. Non, bien-aimé frère. C'est vrai. Le message est pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde. Ils ont l'apparence de la piété. Mais il a réuni ce qui en fait la force. Et Frère Branham a bien interprété cela. Ce sont les hommes et les femmes qui sont là où la vérité est apportée. Ils écoutent la vérité. Il conserve une partie de la vérité jusqu'à ce qu'ils la rendent fausse. Et il garde cette vérité qu'il garde, leur donne une forme de la piété. Parce que pour avoir cette forme de la piété, il faut avoir une partie de la vérité. Il ne peut pas avoir cette partie de la vérité sans être à un endroit où la vérité est apportée. C'est pourquoi nous devons beaucoup veiller. Et Frère Branham dit, dans la seconde venue de Jésus-Christ, la seconde venue du Seigneur, le 17 avril 1957. Écoutez ce que Frère Branham dit. À la page 13, au paragraphe 61. S'il y a jamais eu un temps où l'Église devait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Ah, Muzuri a passé ça. Il fait sombre. Il fait nuit. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice. L'oppression, c'est une influence négative du diable et des démons sur une personne, sur un groupe de gens, avec l'objectif de couper cette personne ou couper ce groupe de gens de Dieu. De briser la relation qui doit lier cet homme-là, ce groupe de gens-là, avec Dieu. L'Église est avec moi. L'oppression est une influence négative du diable et des démons sur une personne avec un objectif de couper cette personne-là de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, de l'éloigner de la vie de Dieu. C'est pourquoi il fait sombre. Vous voyez bien, mes frères, et les nuages de la civilisation, vous voyez, qui ravage la civilisation aujourd'hui, ravage. Elle est en train de ruiner, de détruire tout son passage. il n'y a jamais eu une période où la science s'est évoluée comme cette période. Même les prédicateurs du message, ils sont soumis sous une influence terrible du diable. Pour laisser l'église libre, pour laisser les gens dans l'église de vivre dans la liberté de la civilisation. Quand vous regardez les seuls frères, la civilisation, Kizungu, les démons de la civilisation, les démons de la mondanité, font une pression sur les seuls, sur les frères, sur les prédicateurs. Et l'Église a oublié que le plus grand péché de l'âge de la Odyssée, c'est de la mondanité. Tout le monde veut être civilisé. Quand vous lisez rapidement, sans méditer sur ce que Frère Branham dit, vous ne comprenderez rien. Regardez dans l'habillement, dans les comportements, dans les langages, dans les modes de vie, les gens sont plus attachés à la civilisation. Nous sommes dans un temps sombre. Des hommes et des femmes font des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la signification de ce qu'ils font. Posez toutes les sœurs ici qui mettent les broches sur leur tête. Vous leur posez la question, pourquoi vous mettez des broches sur la tête? Vous mettez des foulards sur la tête, des voiles sur la tête. C'est tout à fait normal. Et pourtant cela est écrit noir sur blanc dans Ésaïe. C'est ça le comportement. C'est ça le comportement des filles qui vivront au temps de la fin. Si aujourd'hui on condamne ça, tout le monde trouve que non. On est très sévère. Tu n'as quoi, Makaristana? Non. Ça se trouve noir sur blanc. Regardez-moi les habits que les sœurs portent. Ce sont des habits très fins. Vous voyez. Mais c'est écrit dans la Bible. Regardez la civilisation. Quand vous voyez une femme porter une longue, une païenne porter une large robe, c'est une large robe qui dépasse les bornes de la sobriété. Vous voyez bien mes frères, il n'y a pas d'équilibre dans ce qu'ils font. Et tous ces modèles-là ne viennent pas des chrétiens, ça vient des vedettes qu'on appelle les stars, les étoiles du temps. Ce sont les étoiles des démons. Et pourtant c'est écrit. Regardez les sœurs. Elles veulent porter les hauts talons. C'est à la mode. Mais c'est écrit dans Ésaïe, ce noir sur blanc. Regardez dans leur coiffure. C'est écrit noir sur blanc. Regardez les sœurs, même celles qui étaient naturelles. Même si elles font un effort même pour se maquiller avec ruse. C'est que vous appelez les fonds de teint. Ce sont des maquillages. C'est écrit dans Ésaïe, noir sur blanc. Les petits sacs que les femmes portent ici. Des fois, il n'y a rien. Il n'y a ni argent. Il n'y a qu'un petit mouchoir. Et des papiers. Un peu de poudre. Pour essuyer. Il n'y a rien. Toute fille veut avoir un petit sac. Mais c'est un petit noir sur blanc. Qui parmi vous connaissent l'écriture que je suis en train de parler? Bah ouais, moi que Bilon. Mettez vos mains en l'air. C'est compliqué ça. Je ne veux pas aller là. J'en parlerai un autre jour. Quoi bien de mes frères? C'est très grave ça. Donc vous accomplissez les écritures négativement. Muna timiza maandiko mubaya. Sans savoir ce que vous faites. Bila kujua bienye munafanya. Paraitu nekalaka toko ni mwambia kusema. Quand on vous dit. Pawe kufanya kintu. Vous faites quelque chose. Il faut uyue mana ya kile kuna fuani. Vous devez savoir la signification de ce que vous êtes en train de faire. Voyez frère. Munaona nduku. Voyez sœur. Ouais, munaona dada. Vous faites une chose sans comprendre. On a fait kintu kenya welewe. Parce que bantu te kona kifuanya. Tout le monde le fait. Pour ceux qui sont curieux, allez lire dans Esaïe 3. Bala penda kuyua benda kasoma mu Esaïe. À partir du verset 16. Tu kuanzia mustari yake ya 16. Quand je parlais sur la chevelure de la femme, j'ai pris cette écriture. Mianza kusema yule anyuele ya mwanamke. Ça fait, je pense ça fait aussi ça fait plus de 10 ans que j'avais parlé de ça. Miaka 10 ni semezia ka yule aina. Vos cheveux bouclés, les diadèmes, les chaînettes, les ceintures, les boîtes de parfums, les allumettes, les anneaux, les bagues, les tuniques, les manteaux, les ibécières, les miroirs, les chemises fines, les turbans, toutes ces choses-là. Même ce matin, les sœurs ont ça. Mettre un peu de bistoir, de fleurs, fleur, à la tête, tout ça. Mais c'est Esaïe. La kini ni Esaïe, Esaïe tatu. C'est la civilisation dévastatrice. C'est l'oppression et les nuages de la civilisation qui sont suspendus au-dessus de la terre. Je retourne à la lecture. La seconde venue du Seigneur. 61. Partout, le péché. Et la débauche. Na uzinifu. Partout. Fashiote. C'est le péché. Nzambi. Et la débauche. Na uzinifu. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait même pas citer parmi nous. Bitu bila tukwezi hata kwanza kutaya katikati yetu. Un frère qui croit ces messages ici. Mwenyana mini ujumbe. Couché avec sa propre fille. Kulala na mtoto yake. C'est très grave ça. Ni mambo ya nguvu sana. Un pasteur qui croit ce message ici, couche avec une fille dans l'église, ou les femmes d'autrui dans l'église. Nous sommes au temps de la fin. Kama kizazi inaanza kuenda kumwisho, si l'âge tend à sa fin, nguvu ya Mungu iko na punguka, la force de Dieu mukanisa, dans l'église, il ne dit concentré pas comme bateoule. Ça, la force de Dieu va se concentrer seulement uniquement sur les élus. Dormez, Mulali. Vous dormez, Mulala. Je reprends encore. Mina ce matin. Kama kizazi nanga kwenda kumwisho. L'âge touche à sa fin. Nguvu ya Mungu, la force de Dieu, iko na punguka mukanisa va yote, diminuer dans toute l'église. Nguvu ya Shetani, et la force de Dieu, du diable, sana, sera vraiment élevée. Mais nguvu ya Mungu, mais la force de Dieu, il est concentré par un bateoule. Va se concentrer uniquement sur les élus. C'est fini. Kunaisha. C'est ce qui fait que Zambi, les péchés, inaongezeka mingi, augmente beaucoup dans ya kanisa, dans l'église. Bile bintu amba abikuanze kutaiwa mukanisa, les choses qu'on ne pouvait pas citer dans l'église commencent à apparaître dans l'église. Parce que quand le réveil vient, wakati la mouche na kuya, le Saint-Esprit takatifi, agit puissamment pour attirer les élus, ya kuvuta paka bateule, les délivrer na kubaokoa, et les cacher dans le sang. Kubafutika chini Adamu. Une fois que les élus na, sont cachés dans le sang, dans la parole, dani ya neno la mungu, ils sont là, pale mule, dans un endroit mule mufashi, dans un endroit sûr, ya kikisho, les restes des croyants aba minifu bote, aba, commencent à se débrouiller eux-mêmes. Les croyants formalistes ayant la forme de la piété, ils commencent à se débrouiller avec Satan. Satan fait une oppression sur eux. Et ils commencent maintenant à regarder derrière là où ils sont sortis. Ils commencent à regarder le monde. Ils commencent à apprécier le monde. Oui, oui. Il trouve que c'est normal. Aujourd'hui, une femme en mèche, elle est normale. Elle est dans le message. Même une fille en jupe scandale qui fente, qui n'a pas dans la houkouyou, ce n'est plus condamné. Regardez sur vos têtes comment vous faites les histoires. Les dreads, les cordelettes. Ma cordelette. C'est la chrétienté, ça. Est-il un Christ? C'est la civilisation dévastatrice. C'est l'oppression de la civilisation. C'est l'influence des démons. Une influence négative qui vous pousse à couper votre relation avec Dieu, qui vous empêche d'être en communion avec le Seigneur, qui vous empêche de vous exposer au rayon doré du Seigneur. Satan est très malin. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Partout, c'est le péché. Et la débauche. Nous vivons une époque terrible. Où règne la méchanceté. Aujourd'hui, frère, on ne peut même pas parler de la méchanceté seulement dans les dénominations. Il y a des frères ici et des sœurs, des méchants. La méchanceté, on dirait les serpents. Quand un homme parvient à battre sa femme, à déshabiller sa femme devant ses enfants, humilie sa femme devant tout le monde, chasser sa femme, frère, on ne pouvait pas entendre cela. Oui, bien aimé frère, une femme qui insulte son mari dans des parties intimes, on ne pouvait pas entendre cela. Nous sommes dans une époque terrible où règne la méchanceté. Regarde comment des frères et des sœurs sont devenus des escrocs. Ils sont en train de voler avec les versets bibliques à l'appui. Ils sont en train de s'endetter sans toutefois honorer. C'est de la méchanceté. Parce que les méchants empruntent et ne payent pas. On est en train de vous dispenser, on vous soigne. Depuis qu'on t'avait soigné, on te donne la facture. 2 ans. Il a pitié à Yesu. Ça passe sous le sang de Jésus. C'est de la méchanceté. Vous voyez bien, mes frères. Non, Nanduku. Vous êtes responsable, engagé dans une activité d'un frère. Tu es en train de couper l'arbre sur lequel tu es assis. C'est la méchanceté. Nirombaya. Les gens ne vont qu'à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église. C'est pour cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais ils vivent comme le reste du monde. Ils vivent comme des païens. Ils boivent, ils fument, ils jouent de l'argent, de la loterie. Les femmes s'habillent d'une façon immorale. Pourquoi déjà n'atteint clair? Pourquoi tu es clair? Ce n'est pas l'esprit de la prostitution. Portant en public des habits, des vêtements, qu'elles ne devraient même pas porter dans leur chambre dans les cabinets de toilettes. Et cependant, elle est porte en public, dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. Vous voyez bien, mes frères, dans le paragraphe 65, l'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion, voyez, notre attachement à la mise en pratique de toute la parole de Dieu. Comment tu mets la parole de Dieu en pratique? Les enseignements qui vous sont donnés. Nous sommes devenus des rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants, des Jézabel peinturés, tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui de telle sorte, vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il se fait tard. Oui, bien-aimé frère et sœur. Oui, bien-aimé sœur. Le temps de vérifier à la lumière de la parole notre expérience avec Dieu. C'est vrai, frère. Non, Dieu nous. Quand on se mêle aux choses du monde, c'est très grave. Les pentecôtistes et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes comme les luthériens. Les luthériens agissent comme les catholiques. Vous voyez bien, mes frères. C'est un amas du péché. Il est haut en Zambi. La plupart des frères et des sœurs ont honte de défendre leur foi. Parce qu'ils sont, elles sont, ils sont irréligieux. Irréligieuses. Ils n'ont pas ce qu'ils croient. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ce que nous avons montré la semaine passée, ce sont des irréligieux. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Jésus est à la porte. Ne pensez pas que nous allons continuer à vivre. En tant qu'épouse, nous attendons des choses. Si Jésus ne vient pas, ne vient pas maintenant, et qu'il vous donne encore quelques jours, il me donne quelques jours, il y a la mort qui nous attend. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes sœurs. Dans l'âge d'or, les sœurs qu'on a enterrées, moi, 2023. Elles sont encore jeunes. Les autres sont moins âgées qu'elles. Attachées. Vous voyez bien, mes frères. Non, mais elles sont parties. Mais quand vous jouez avec votre foi, c'est fini. Tout le monde ne sera pas enlevé. Il y a les autres qui vont expérimenter la résurrection. Les deux expérimenter la résurrection et la transmutation. Les deux, c'est toujours la parole de Dieu. C'est pourquoi la mort ne nous fait pas peur. Si vous mourrez avant que Jésus ne vienne, vous allez ressusciter le premier. Vous êtes toujours dans les bons. Si Jésus vous trouve vivant, pour que vous serez enlevé. Et ceux qui dorment en Christ, et ceux qui sont vivants en Christ, les deux seront enlevés. Mais l'essentiel, c'est d'être trouvé en Christ. Oui, bien-aimé frère. Ndiyo nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndiyo dada mpendwa. C'est pourquoi. Joko amana. Nous venons pas à l'église. Chia tukoyo kanisa. Pour seulement remplir les bancs. Kuyaza tu bichi ya kanisa. Non, bien-aimé frère. Apana nduku mpendwa. Nous voulons. Chia tunapenda. Faire une bonne expérience avec le Seigneur. Kufanya onjo mzuri na Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous. Tushimame. Pour la prière. Ndiyo akuomba. À l'appel de Dieu, répondrai-je. La chorale peut nous entonner ça. Oui, à l'appel de Dieu. Yeah. Merci Père Céleste. Accenté babali jumbinguni. Toutes tes paroles sont les bienvenues. Maneno lako tunapokea mzuri. Parce que nous sommes ton peuple. Sababu tuko taifa lako. Nous sommes tes élus. Tuko bateule yako. Nous venons en ta présence, sachant que nous sommes au temps de la fin, où l'influence satanique, l'influence des démons font une grande pression sur l'Église. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, viens à notre secours. Si tu ne viens pas à notre secours, nous tomberons, Seigneur. Et si nous tombons, Seigneur, que gagneras-tu, ô Père? Et quelle sera la signification de l'œuvre du calvaire? Seigneur, nous croyons que nous sommes les résultats de l'œuvre du calvaire. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos iniquités. Seigneur, regarde au bois du calvaire. Regarde au sang versé au bois du calvaire. Seigneur, viens nous assister. Parce que toi-même tu as dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, le salut vient de toi. C'est toi qui as promis le salut. C'est toi qui as accompli le salut. C'est toi qui le réalises en nous, Seigneur. Fais ta grâce qu'elle puisse s'accomplir en nous d'une manière particulière. Nous de l'argile, toi les grands potiers, fais de nous ce que toi tu voudras, que ta volonté se fasse en nous. Bénis ce peuple, Père. Tu connais les difficultés spirituelles, physiques, charnelles, mais auprès de toi nous avons la réponse en toutes choses. Merci Seigneur. Pendant que nous parlons des choses qui concernent ton royaume, donne-nous l'entendement meilleur, une bonne inspiration, une bonne compréhension. Parle une fois, que nous écoutions deux fois comment entendre les disciples. Que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que ceux qui menaient dans une vie déçue soient sanctifiés, Père. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui sont en ligne, que ta bénédiction repose sur eux. Merci Seigneur. Bénis ta parole du début à la fin. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus Christ, nous te prions. Amen. Amen. Dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu au chapitre 22. Dans son verset 15 à 16. La prédication ne commence pas maintenant. La prédication a commencé depuis que j'ai monté, je suis monté du haut de la chaise. C'est la continuité. Matthieu 22. Dans son verset 15 à 16. Matthieu 16. Matthieu. Disons acte 16, matendo amitume 16, verset 16 à 17. Mustari yake ya 16, 17. Commençons par Matthieu 22. Tunaanzia kwanza na Mathayo 22. Je commence au verset 14. Mitanzia mustari yake ya 14 jusqu'au verset 16. Tuka paka na mustari yake ya 16. Car il y a beaucoup d'appelés. Kwani baanye kuitwa ni ba mingi. Mais peu d'élus. Lakini bateule dokidoko. Car il y a beaucoup d'appelés. Kwani benye kuitwa ni ba mingi. Mais peu d'élus. Lakini bateule ni kidoko. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Sasa bafarisayo bakaenda kusungumuza njoo wapate kumkuta Yesu kupumbamba kupitia misemo yake mwenyewe. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Bakatuma bamitume yabo na baHérodiens qui dit akisema maître mwalimu Nous savons que tu es vrai. Tunajua kusema huko bia kweli. Nous savons que tu es la vérité. Tunajua kusema wenjo kweli. Et que tu enseignes la voie de Dieu. Na huko nafundisha njia ya Mungu. Selon la vérité. Kufuatana na ukweli. Sans t'inquiéter de personne. Bila kuangaikia mtu. Kushituka mtu. Car kwani tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Sababu awangalie kuonekana kwa watu. Maître, mwalimu, nous savons que tu es vrai. Tunajua kusema uko wa kweli. Et que tu enseignes la voie de Dieu. Na kunafundisha njia ya Mungu. Selon la vérité. Kufuatana na ukweli. Sans s'inquiéter, sans t'inquiéter de personne. Bila kushituka mtu. Car sababu, tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Weye awangalie kukonekana kwa nje kwa bantu. Dans Acte 16. Matendo ya Mitume 16. Dans son verset 16 à 17. Mstari yake ya 16 mpaka 17. Nous allions au lieu de prière. Sabile tukunenda bafashi ya maombi. Une servante qui avait un esprit de typhon. Chichakazi moya kuya na waya typhon. De python. Python. Et qui, en devinant, na mukutangulia kuona, procurait un grand profit à ses maîtres vins au devant de nous. Akaanza kutangaza mbele yetu. Vint au devant de nous. Akakuya mbele yetu. Et s'est mis à nous suivre. Na akaanza kutufuata. Paul et nous. Paulo na shie. Elle criait. Alianza kulalamika. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Abatu ni batumishi ya Mungu mwenye kuwa juu sana. Et ils vous annoncent la voie du salut. Na beko ne mitangazia njia ya wokovu. Elle criait. Alianza kulalamika. Ces hommes. Abantu sont des serviteurs ni batumishi du Dieu très haut. Ya Mungu mwenye kuwa juu sana. Et il vous annonce na beko na mitangazia la voie du salut. Njia ya wokovu. Que Dieu ajoute la bénédiction. Mungu engeze baraka à la lecture de sa parole. Kusome wa neno lake. Si vous remarquez dans la lecture, kama muna ngaria mzuri musomi. Parfois, ça m'aïve. Les démons savent beaucoup de choses Mademona, sur la vérité de Dieu. Inajua bitu ya mingi kuangalia ukweli ya Mungu. Que les prédicateurs. Ili baubiri. Que les prédicateurs. Baubiri. Que les prédicateurs. Kushindia baubiri. Kushindia baubiri. Ma mandemona les démons maramingi plusieurs fois inayuaka muzuri muzuri. Des fois les démons connaissent beaucoup correctement bintu bya Mungu les choses de Dieu kupita taba ubiri qui est même le prédicateur na balwe kurejita seme liba minifu et ceux qui se nomment chrétiens. C'est vrai. Bien quoi. Les religieux. Batu akidini. N'ont pas l'intérêt des âmes. Abana na faida ya nafsi. Ne travaille pas pour l'intérêt des âmes. Abatumike njua faida ya manafsi. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Bena tumika njua ma faida yabo. Les pharisiens, les pharisaïens, les sadducéens, les sadducaïens et les hérodiens, non, les hérodiens savaient que Bobari yo akusema, Jésus était la vérité. Yesu Christu jua alikuwa ukweli. Ils le savaient. Barikuwa basha kuyua. Mais ils refusaient de le croire. Lakini atavili baanza kukatala kumwamini. Ils refusaient de le croire. Baanza kukatala kumwamini. Connaître la vérité kuyua ukweli, et croire la vérité na kuamini ukweli, c'est deux choses différentes. Ni bitu biuri benye kuachana. Connaître la vérité kuyua ukweli, ne me sauve pas akunyokoe, ne te sauve pas akutakokoa. Mais crois la vérité. Lakini kuamini ukweli. Kutenyokoa. Na kutakuokoa. Maître. Mwalimu. Nous savons que tu es vrai. Tunaya kusema uko abya kweli. Quand toi tu commences à enseigner, kati leo unaanza kufundisha, tu ne dis pas de mensonges. Hausemaki vitu vya bongo. Nous prenons tes enseignements. Mafundisho yako. Nous allons dans les écrits, tukunenda les prophètes. Mumandiko ya banabi. Nous trouvons que tu es conforme. Tukunaona kwamba unaisha kubiku pamoja. Tu es conforme. Biku pamoja unambatana. Tout ce que tu dis est conforme. Bila tunasema binambatana. À tout ce qu'annoncé. Bila bila utaanza kutangaza. Les prophètes qui t'ont précédé. Banabi bala kutangulia. Nous le savons. Tunajua. Et nous savons encore na tunayua tena que tu n'es pas un flatteur. Na kwamba aubembelesake. Tu ne regardes jamais l'apparence des gens. Kuonekana kwa watu. Quand il s'agit de dire la vérité, wakati unapenda kusema ukweli, tu dis la vérité. Unasemaka ukweli. Parce que ta vérité, sababu ukweli yako, sauve. Iko na ukoa. C'est ce qui a créé même la différence. Na njoo ile kaka achanisho. Entre Jésus et les pharisiens. Katikati ya Yesu na wafarisayo. C'est ce qui crée la différence. Na njole kunafanya achanisho. Entre les véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Katikati ya watumishi wa Mungu wa kweli. Et les dénominations. Na mazebu. Les dénominations. Ba mazebu. Qui sont les prédicateurs dénominationnels. Bahubiri ba mazebu. Qui sont les pharisiens et les docteurs d'aujourd'hui. Ba farisayo na balimba leo. Ils prêchent selon l'apparence. Bo beko na ubiri kufatana kuonekana kwa nje. Mais pas les hommes de Dieu. Mais lakini batumisha Mungu hapana. Nos bien-aimés frères. Pana ndugu mpendwa. Nos bien-aimés sœurs. Pana dada mpendwa. Ils ont confessé cela. Bobarikiri ile. Et quand toi tu commences à parler. Na ile wakati wewe unaanza kusema. Tu ne t'inquiètes de personne. Au shitukake mtu. C'est-à-dire quoi? Nikusema tu nini? Ne considères nikusema pas awangariake la réaction kutenda des autres. Kwa bantu bengine. Ce n'est pas ton affaire. Il a mambo yako, David Chike. David Katale. Il refuse. Quand t'insulte pas. Babi Chifu, il en a ses mains. Baby Beoule. Après, c'est ce que tu as dit. Tu ne t'inquiètes de rien. Quand tu as déjà Wakati posé la vérité. Kueka ukweli pale, tu ne t'inquiètes de rien. Qu'il va te faire un aïe. Ceux qui vont faire avec la vérité, c'est leur affaire. Tu as déjà parlé. Mais quant à toi, ou de chaque sema. C'est pourquoi tu ne les regardes pas. Je commande à Wabangaria. Même si ils font leur visage. Ce n'est pas un problème. Il a une mambouille. Même si ils prennent les pierres. Coupé, ça, ça ne te concerne pas. Mais toi, mais ou, lakini, ouais, tu libères la vérité. On a sema qu'on a touché, n'est pas qu'à ukweli. Mais regarde cette femme ici qui avait l'esprit de Python. Lakini mwangalie mwanamke alikuwa na roho ya Python. Quand il a vu Paul et les apôtres. Wakati anaona Paulo na bamitume. Pendant que les pharisiens traitaient Paul les autres de fausseurs, mais les démons et moi, oh, les démons ont donné témoignage. Les démons sont sortis. Ils ont appelé toute la ville. Et vous voyez ces hommes ici. Ce sont les véritables hommes de Dieu. Des serviteurs du Dieu très haut. C'est par eux que Dieu annonce la voie du salut. Si vous voulez être sauvé, écoutez-les. Un démon. Pendant que les autres jetaient des pierres sur Paul, sur Barnabas et sur les apôtres, mais les démons lui-même savaient qu'ils étaient des hommes de Dieu. Ils parlaient aussi selon la vérité comme leur maître. Et leur parole amenait les gens au salut. Qui annonçait la voie du salut, qui montrait aux gens la voie du salut. Jia, il est en bas. Quand tu approches à côté de l'air, tu vas faire quoi pour arriver à atteindre le salut. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'induku? Et l'esprit de Dieu avait bien dit. Na roya mungu lisema kamuzuri. Mais les gens vont invoquer le nom de Christ comment? Bantu namna kani bata alika njina Christ. S'il n'y a personne qui prêche, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Ceux qui sont envoyés par Dieu lui-même annoncent la voie du salut selon la vérité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans cette génération, bantu bote batawezi kuchambula frère Branham. Tout le monde peut citer Nduku Branham. Aina mambo. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas été prédestinés à voir la lumière du jour. Leur réaction, leur comportement ne nous inquiète pas, nous les élus. Si bateula est touché, touché. C'est vrai, frère. Yakweli Nduku. C'est vrai, sœur. Yakweli Dada. Leur manière d'interpréter Nam le message, cela ne nous inquiète pas. Il a été touché, touché. Dieu nous a déjà ouvert les yeux. Nous avons vu, nous comprenons, nous croyons que celui que Dieu nous a envoyé pour nous révéler la voie du salut dans cet âge. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans chaque domaine, Mukila kazi, il faut avoir un conducteur. Inafai munakuyako na mongozi. Dans chaque domaine de la vie, Mukila kazi ya maisha. Même dans vos affaires, dans une activité que vous voulez faire, vous devez toujours avoir un véritable conducteur pour avoir du succès dans ce que tu veux faire. Tu n'as jamais fait les chants. Ah oui, tu ne peux pas te réveiller comme ça et tu commences les chants. Tu vas pleurer. Tu n'as jamais élevé. Tu commences aujourd'hui, tu pars en Zambie et tu prends le poussin et tu remplis ta maison. Tu finiras par pleurer. Dieu est très sage. Mungu ni hekima sana. Regarde, depuis la naissance de l'homme, d'abord l'homme lui-même quand il fut créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se débrouille lui-même. Non. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit conduit par lui, par Dieu lui-même. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour nous conduire. Toi, tu ne connais pas le royaume de Dieu. Moi, je ne connais pas le royaume de Dieu. Aucun prophète ne connaît ça. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, qui est en même temps le consolateur, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de la théologie même. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé soeur. Regarde à ta naissance. Dieu t'a donné une mère pour te conduire. Pour prononcer les premières paroles. Pour faire le premier pas. Dieu t'a donné la mère. Il t'a donné un papa. Pour te conduire dans la vie. En dehors de l'éducation familiale. Les parents, comme ils sont si limités, ils t'ont remis entre les mains des professeurs, des instructeurs. Ils t'ont envoyé à l'école pour que tu sois instruit. Frère, même si tu vas au travail, et tu vas trouver quelqu'un pour te conduire. Attends, on a Isha. Même si tu termines l'université aujourd'hui à Lubumbashi, tu commences, et il faut respecter celui que tu as trouvé au travail. Celui qui n'a pas fait des études, il a 35 ans, mais il a 35 ans, 40 ans de service. Tu dois le respecter. Sinon, pour ingénieur, parce que ton ingénieur, là, on va te mettre dehors. Faut savoir écouter. On n'a pas su à kushikia. Faut pas qu'on goze dans les premiers on pas. On doit te conduire quand tu commences les premiers pas. Wakati unaanza kazi bana pasa kufundisha. Mule no mbintu ya ni mbintu ya kimungu. Ça c'est dans les charnels. Mais dans les spirituels. Ça mutiro. C'est pourquoi Dieu vous a donné. Tu comprends Mungu alimpatia. Batumishi. Le Saint-Esprit dans les ministères. C'est pour vous conduire. Si la voie du salut. Mungia okovu. Oui bien les mes frères. Vous ne pouvez pas vous débrouiller. Awezi kwanza kutafutisha mwenyewe. Non frère. Ce n'est pas l'église qui doit vous conduire. C'est le Saint-Esprit dans le ministère qui vous conduit sur la voie du salut. C'est vrai, frère. C'est vraiment ça. Si vous voulez vous débrouiller dans le domaine spirituel, vous n'irez nulle part. Vous tomberez. Dans le domaine spirituel, on ne se débrouille pas. Il y a des hommes que Dieu a mandatés pour vous conduire sur cette voie-là. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin, comme nous l'avons déjà mentionné. Et pendant cette période, aujourd'hui, Dieu dans la simplicité est en train de faire beaucoup de choses. Il est en train d'accomplir beaucoup de choses. En ces jours-ci, mais qui échappe à beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de gens ne saisissent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, pas hier, pas demain, aujourd'hui. Si vous êtes incapable de saisir, de discerner, de voir, de comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, vous n'irez pas loin. Vous n'irez nulle part. La simplicité de Dieu embrouille beaucoup de gens. Parce que ce que Dieu appelle grand, ce n'est pas ce que le monde appelle grand. Ce que le monde appelle grand, ce n'est pas ce que Dieu appelle grand. Le langage de Dieu et le langage des hommes, ce sont des langages entièrement différents. Les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont des pensées différentes. C'est vrai, frère. C'est vraiment sœur. Il y a dans notre aujourd'hui la promesse de ce jour-ci. En dehors de la grande promesse de notre jour, il y a beaucoup de promesses qui s'accomplissent, qui se joignent à la grande promesse du jour, qui l'accompagne dans sa réalisation. Et pour participer à cette grande promesse du jour, vous devez saisir l'accomplissement de toutes les promesses qui accompagnent la promesse de ce jour ici. Mais les gens ignorent cela. Même ceux qui prétendent être dans l'église. C'est pourquoi beaucoup de gens passeront à côté et ne comprendront pas cela. Même aujourd'hui, beaucoup de gens passent à côté et ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Même dans cette église ici, Les 99% des croyants de cette église ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Ne saisissent pas ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a que les élus. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont seulement la forme de la piété. Ce sont des religieux du message. Beaucoup de frères et sœurs ne croient plus à l'enlèvement. Ne croient plus au retour du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, pas même les pentecôtistes, nos frères et nos sœurs qui ont cru à ce message, ils sont déjà fatigués. Mais leur vision s'est déjà ternie. Ils n'ont plus une vision claire. Ils n'ont plus la vision d'aigle. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Bien que la plupart prétendent qu'ils voient, c'est seulement des hautains comme nous l'avons montré. Ils n'ont rien. Vous voyez, ils ne sont rien. Ils n'ont rien. Mais ils prétendent connaître quelle dénomination. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ça le danger d'aujourd'hui. Bintu bya mingi. Beaucoup de choses. Mungu eko nafanya mukizazi yetu. Dieu est en train d'accomplir dans notre âge. Bantu ba mingi. Beaucoup de gens. Abebielewe. Ne saisissent pas ça. Na abebione. Ils ne voient même pas ça. Biko ne va pita mbari. Ça les passe outre. C'est vrai. Ya kweri. C'est vrai, ma sœur. Ya kweri dada. Na pawe kuona seme pour voir abebione na ababielewe angalia seulement namna ambao beko na tembea leur façon de marcher namna beko na considérer sauti ya Mungu la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Yakweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Yakweli dadang. Kama aufike mukipimo, si tu n'arrives pas au point ya kusaisir kile ambao Mungu eko nafanya leo, de saisir ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, hakuna namna okolewe. Il n'y a pas moyen que tu sois sauvé. Hakuna namna okolewe. Il n'y a pas moyen que tu sois sauvé. Bile Mungu alifanya jana, ce que Dieu a fait hier, na bile Mungu atafanya kesho, ce que Dieu fera demain, Abila na mafaza hizi, ça n'a pas de l'importance dans votre expérience de la foi. Ce qui va t'aider, upate kokolewa, que tu puisses être na sauvé, kuonja ma promesse future, ile ambao Mungu atatimiza, que Dieu va accomplir, ni bile ambao Mungu yako na fwana na wewe leo. Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Kuyua bile Mungu yako na fwana na wewe leo. Fait avec toi aujourd'hui. Dieu ya mafaza. C'est ce qui est très important. La grâce que Dieu te mais présente aujourd'hui. L'église est avec moi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si tu ne saisis pas ça, tu ne discernes pas ça, tu ne comprends pas cela, tu n'iras pas loin. Dans Luc au chapitre 19, Luc au chapitre 19, dans son verset 41-42, comme Jésus s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné il coupewa en ce jour mwimashiku apana mwishiku waze kusoma en ce jour mwishiku qui t'est donné il coupewa tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix kama ulijua bitu bien kwa jua salama yako mais maintenant lakini hapa sasa et sont cachés à tes yeux binesha kufichwa kwa macho yako. Voilà pourquoi Jésus a pleuré tu komana Yesu aliria. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. A les choses qui concernent à ta paix, bitu venye kwa jua salama yako, Ce sont les choses Bitu, que Dieu te révèle maintenant bile Mungu anafunulia hapa sasa, par sa parole. Kia neno lake. C'est aujourd'hui Nileo. Que vous devez discerner unapasa kutambua ce que l'Esprit de Dieu kile roho ya Mungu est en train de faire pour votre salut. Juu ya wokovu yako. Aujourd'hui Léo. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Si toi aussi kama na weye, au moins en ce jour muishiku que Dieu t'a donné, il est Mungu alikupatia, en ce jour dans lequel tu vis, muishiku unaishi, ce jour que Dieu t'a donné, muishiku Mungu alikupatia, tu connaissais kama ulijua les choses qui appartiennent à ta paix. Ils doivent te donner la paix. Ils doivent te donner la vie. Bujima. Si tu connaissais ces choses. Mais maintenant, malheureusement, elles sont cachées à tes yeux. Si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit de Dieu fait maintenant, si tu ne comprends pas ce que le Saint-Esprit annonce dans ses Écritures, dans ses prédications, si tu ne comprends pas la conduite du Saint-Esprit maintenant, tu es malheureux. Jésus pleure encore comme il a pleuré sur Jérusalem. Parce que pour échapper, pour que Jérusalem échappe à sa destruction, il fallait que Jérusalem prête oreille, voyez, à ce que Jésus leur enseignait. Pour que Jérusalem échappe à la destruction, il fallait qu'il reçoive leur Messie. C'est vrai. Ils l'ont vu. Barimona. Ils l'ont mal compris. Barimueleo mbaya. Ils l'ont écouté. Barimushikia. Ils n'ont pas reçu. Lakini hawakupokea ce qu'il avait enseigné. Kila alifundishaka. Ils ont écouté ses avertissements. Barishikia makalamusho yake. Ils les ont méprisés. Lakini baribeula. Jésus a pleuré. Yesu alilia. Frère, Nduku, ce matin ici, Yasubui, Jésus encore pleure. Yesu yonaria tena. Mon frère, ma soeur, Nduku yangu, dada yangu, kama ulijua, si tu savais, mateso ile ambao, la souffrance, itakupata kisha kunyanyuliwa kwa kanisa, que tu auras après l'enlèvement de l'église, hauwezi kusula na neno la Mungu leo. Tu ne pouvais pas faire comme ça. Hauwezi kusula neno la Mungu leo. Tu ne pouvais pas faire comme ça aujourd'hui. Kama unajua, si tu savais, na unajua, kama unajua kusema, si tu sais que, ni mujumbe, ce message, ni ma sauti kuna shikia, ces paroles que tu es en train d'écouter, John Nema Mungu, c'est ça la grâce, John Kamba ya Nema, c'est ça la corde de Mungu la grâce, que Dieu t'étend encore, pour t'enlever, te tirer dans la mort, tu ne pouvais pas être dans cet état. Maintenant, biote vina kufuchiku. Ça, tout est caché devant toi. Tout est caché devant toi. C'est pourquoi Jésus pleure. Je commande à Yesu Naria. Tu ne comprends pas la parole. Awele wenenu. Tu ne comprends pas le message. Tu ne comprends pas les prédications. Tu ne comprends pas la conduite du Saint-Esprit. Tu ne comprends pas. Comment Dieu utilise ses serviteurs? Tu as de la confusion. Tu as une compréhension charnelle. C'est très grave. Tu ne comprends pas que tu marches sur ta grâce. Tu es en train de fouler au pied de ta propre grâce. Tu ne comprends pas qu'en rejetant, en négligeant, en ne comprenant pas cette parole, vous scellez votre âme avec l'enfer. Tu ne comprends pas cela. C'est très grave, frère. Frère, Nduku, ma soeur, avec toute l'affection, na mapendo yote, comme berger que j'ai envers vous. Sawa mchungaji kwenu. Si vous ne comprenez pas kama amuelewe ce message, yujumbe, vous ne comprenez pas amuelewe les prédications maubiri qui vous sont apportées ici, hapa, vous ne discernez pas la conduite du Saint-Esprit, ce que Dieu est en train de faire maintenant, hapa, vous n'êtes pas un élu. Aona mteule. Vous courez un danger. Uku muatari. C'est très grave. Ni atari. Beaucoup de frères Manduku, wa mingi, et de sœurs, na wa dada, ils disent qu'ils croient le message du temps de la fin. Nasema na amini mujumbe wakati ya mwisho. Mais beaucoup sont des aveugles. Lakini ba mingi ni ba bipofu. Beaucoup de frères Manduku, ba sont mingi, des aveugles. Ni ba bipofu. Si tu n'étais pas aveugle, kama depuis longtemps, zamani, tu serais né de nouveau, tu aurais le Saint-Esprit. Ce n'est pas le nombre d'années qui t'accorde le salut. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te parle de manière claire. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu ne veux pas comprendre. Ce n'est pas que Dieu a choisi des gens. Toi, tu vas comprendre. Hein? Non. Le secret de compréhension se trouve en toi-même. Tu as une conscience. Tu as un libre arbitre. C'est la manière, le comportement que vous avez vis-à-vis de la parole qui te permettra de comprendre la parole ou de l'ignorer. C'est votre position vis-à-vis de la parole qui va ouvrir tes yeux ou qui va t'aveugler. Les deux se trouvent entre tes mains. Dans Esaïe 42, dans son verset 20, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point regarde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Tu as déjà vu beaucoup de choses, mais au Kébéangé, tu ne fais pas attention. Tu as déjà entendu beaucoup de prédications, mais tu n'écoutes pas. Ton esprit n'est pas réveillé. Frère, ma soeur, Darang. Beaucoup de gens mingi passent à côté et ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant dans l'épouse. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Il n'y a que ceux qui ont été prédestinés à la chose et seuls comprendront la chose tout entière. Les élus de Dieu comprendront en termes clairs ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai, frère. Parce que dans Luc au chapitre 8, dans son verset 10, il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il a été donné aux élus. Lisons cette écriture. C'est vrai. Luc chapitre 8. C'est aux élus que Dieu a donné cette possibilité de comprendre. Luc chapitre 8, dans son verset 10, On peut commencer au verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères, ma siri, les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Pourquoi? L'accomplissement de chaque promesse, de chaque prophétie, aveugle les yeux des uns et ouvre les yeux des autres. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est seulement aux élus. Que Dieu a donné cette capacité de voir, de discerner, de comprendre, de vivre, de participer à l'accomplissement des mystères de Dieu. Mais aux autres, qui sont ces autres? Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne trouvent pas d'intérêt dans la parole de Dieu. Les autres dont on parle là, ce sont des hommes et des femmes. Ils n'ont pas d'intérêt dans la parole de Dieu. Pour comprendre les mystères du royaume, vous devez trouver intérêt dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu dit. C'est pourquoi dans le verset 18, Jésus dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Sopoka. Fais attention. Prenez garde ta façon d'écouter. Le salut vient par la voix de l'audition. Sopoka. Prends garde. Par ta façon d'écouter la parole de Dieu. Mon frère. Dukyang. Ma soeur. Dadayang. Kebang. Faites attention. Sopoka munamna. Banga. Ukorashikia neno la Mungu. À la façon dont tu écoutes la parole de Dieu. Ni namna ukorashikia neno la Mungu. C'est la façon dont tu écoutes la parole de Dieu. Jo ikona déterminé. La façon qui détermine. Kama uko muteule. Si tu es élu. Ah, on a muteule. Ou tu ne l'es pas. Ni intérêt. C'est de l'intérêt. Il est où qu'on a honnêté. Que tu manifestes. Il est où qu'on a attaché. Que tu attaches. Ou bien tu as mangé. Au chant de Dieu. Ou non l'amour. À la parole de Dieu. Joie qu'on a choisi. C'est là qui témoigne. Kama où qu'on muteule. Si tu es un élu. Na kama où qu'on muteule. Si tu ne l'es pas. Ni mangaiko. C'est de la préoccupation. L'affection que tu as. Vis-à-vis y a neno l'amour. Neno la parole de Dieu. Il embaille qu'on a honnêté. C'est la prouve. Kama où qu'on muteule. Si tu es un élu. Où qu'on muteule. Ou tu ne l'es pas. Ça ne dépend que de toi. Il est mambo niako. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est ton affaire. Mambo ya Mungu, les choses de Dieu. L'affaire de Dieu, il t'a déjà effrayé les chemins. Depuis le calvaire, il a versé son sang pour permettre à quiconque, à celui qui veut être sauvé, qu'il vienne et qu'il soit sauvé. Il n'a pas de parti pris. Mais ça dépend de toi. Mais il est mambo na kwangaria. C'est vrai, frère. Quand la parole de Dieu t'a apporté, il a envoyé ses serviteurs. Il apporte, ils apportent la parole en termes clairs. Ça ne dépend que de toi. C'est vrai, frère. Prends garde à la manière dont tu écoutes la parole. Prends garde. La façon dont tu écoutes la parole de Dieu. Dieu t'a honnêté réellement comme tu es là ou pas. C'est ça qui détermine si tu es chrétien ou pas. Ou élu. Ce que tu fais avec la parole de Dieu. Dieu qui t'a honnêté. C'est ça qui va montrer que si tu es élu ou pas. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Atana mnokora kuya kuneno la Mungu. Même la façon dont tu t'amènes à la parole. Dieu t'amenesha kama uko mteule au pana. Montre si tu es Eli ou pas. Ça dépend pas que de toi. Il est mambo na kuangalia. Même depuis l'Ancien Testament. Dans Ecclésiaste au chapitre 4. Ine. Ah, dans le verset 17. Dieu dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne savent pas qu'ils pêchent. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Prends garde à la manière dont tu viens écouter la parole de Dieu. Viens à l'église. Approche-toi pour écouter et non pour offrir des sacrifices aux anciens. Tu fais semblant au salut, mais tu veux être un bienfaiteur. On appelle toi kukabula bintu. Tendamema. Tu penses que les bonnes œuvres vont te sauver? On a assez écouté tendamema utakokoa. Les bonnes œuvres, qu'on a fait chier. À sa place. Comme je l'ai dit dernièrement, voyez les bonnes œuvres que Dieu veut. Ce ne sont pas tes œuvres, ce sont pas les œuvres. Ce sont les œuvres de Christ en nous. Il y a Christ ndani yetu. Pas bien, mes frères. Non, andu kumpeni. On a quoi au canis? Tu viens à l'église. Ouais, tu n'y courais pas en France. Toi, on n'arrive pas à dîme. On n'arrive pas à offrande. On n'arrive pas à cotisation. Tu payes la collecte. Ouais, bien, ouais, on a c'est ce que toi tu trouves. De... On a quoi ton canis? Dans l'église, tu viens à l'église. Quand j'ai accouté, on y couimba. Ah, on a chiné. On a imba. Non, on a semé. Job, c'est ça la religion. Qui la quinte, mon éno, la mongo. Dans la parole de Dieu. Qui qu'on a foi chial. À sa place. Vois bien, mes frères. Non, andu. Maombi, la prière a une place. Kuimba kuko na chanter a une place. Donner l'offrande, la dîme. L'offrande, la dîme. Faire un pasteur. Au pasteur. Enfant de Dieu. Être généreux. C'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il a une yamafa kabisa. Ah, au coup, tout mon canisse, partage à couteau, pana. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, c'est chercher le salut de ton âme. Ni kuchunguza, c'est examiner ma relation, il y a quoi, na mungu. Vous examinez vos relations avec Dieu. Si vous êtes en accord avec le Saint-Esprit, avec la parole, ne soyez pas un insensé. Ne soyez pas dénominationnel. Non bien-aimés frères et sœurs. Non bien-aimés. Panadada. Mpendo. Prends garde. Sopoka. Donc à la manière dont vous écoutez. Oui, les nam non qu'on a chikia. Kama saouti na obiliwa. Lorsque la parole de Dieu est prêchée. On a fana kana yonin. Qu'est-ce que tu fais avec? Lorsqu'on donne l'enseignement, Dieu envoie l'enseignement. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Parce qu'il ne faut pas oublier l'accomplissement de chaque promesse avec les uns et ouvre les yeux des autres. Avec les yeux des autres. Vous voyez? Mais ouvre les yeux des âmes. Parce que Dieu lui-même aime. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quel intérêt avez-vous quand vous venez dans cette église? Mouchance kubeba Mungu. Ne prenez pas Dieu comme une vache laitière. Comme si Arikuya. Beaucoup de frères. Ngombe wa kunyonya majiba. Ngombe wa kunyonya majiba. Banduku ba mingi na badada ba mingi. La plupart des sœurs et frères. Banapende banamini. Et quoi? Banamini Mungu. Et quoi Dieu? Uniquement pour les intérêts charnels. Tu ya mafaida tu ya mumwili. Matériel. Ma ya bitu. Intérêt financier. Ya feza mafaida ya feza. Ni mumbafu. Ça c'est être insensé. Kwa mini Mungu tu. Dieu akutunze. Pour qu'il puisse te guérir. Dieu akupe franga. Pour qu'il te donne l'argent. Akupe bukweri. Pour qu'il te donne le mariage. Akupe mari. Pour qu'il te donne le bien matériel. Flan. Que tu sois tel. Ni wele wele. Ça, c'est la stupidité. Tu ne comprends pas. Wele kintu. Dieu n'est pas venu. Il n'est pas mort à la croix pour ça. Salaba Dieu abile bintu. Nduku. Que je puisse me marier, qu'on puisse me marier. Tu es absolument insensé. Awelewe kintu. Mungu, Dieu, anatunzaka, il guérit nama démon. Même les démons. Mungu, Dieu, anapachaka franga, il donne l'argent même aux démons. Mungu, Dieu, analetaka na cheo, il donne nama même démon. Des titres Mungu. Aux démons. C'est Dieu qui donne ça. Aina il est. Ce n'est pas c'est ça. Pourquoi Jésus disait cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste. Mabaki. Ah, le reste ce sont des bénéfices ni ma faïda. Vous les aurez après. C'est vrai frère. Aina il est. Ce n'est pas ce qui va nous amener à l'église. Non bien-aimé frère. Pananduku. Non bien-aimé sœur. Panadada. Mais le grand secret. Lakini siri mkubwa. Dépend. Ikunangaria. De vos dispositions. Ali. Intérieures. Yako ya ndani. Quand vous écoutez la parole. Wakati mnasikia sauti ya Mungu. C'est vrai frère. Dakweri nduku. Mais pour les élus. Lakini kwa bateule. Ils saisiront. La chose entière. Kitu kyote kijima. Aujourd'hui. Leo. En tant qu'élu. Sa muteule. On ne doit pas avoir de la confusion. À aujourd'hui, dans cet endroit de l'Odyssée, en tant qu'élu, ça, m'teoule, un élu m'teoule, n'a plus de questions. Comme on en a frère, on en a soeur, on a dada, en garde de maulizo, il est encore il a des questions aujourd'hui. Ah, élection, il y a douté ça. Ah, ou t'as que je suis en train de douter. Na Shakia. Mite Shakia San. Je suis en train de douter. C'est vrai, frère. Y'a quoi, Rinduku? C'est vrai, ma soeur. Mais à quoi il date? Parce que promesse, Seigneur, ça, wakati. La promesse de notre temps. Mais c'est mes élus. Ah, c'est pas les âmes. Ne seront jamais dans la confusion. Quand moi, bata comme vous. C'est vrai comme confusion. Mais là, pourquoi toi, tu es encore dans des confusions? Un élu. Mouteoule. Dans chaque âge. Moukila Kiza. N'a jamais été. Ashiakuya. N'est pas. Na ana, ne sera jamais. Na dans la confusion. Sur quoi que ce soit. Pakintu kyokyote. Pourquoi? Duanini. Il fait partie du plan de Dieu. Sababu, ekona esemu ya mapu ya Mungu. Aujourd'hui, les Leo, élus. Bateoule. Non pas de la confusion. Abana. Entre les ministères des frères Branham, entre les ministères des frères Franck, entre les ministères de tous les hommes de Dieu, ils comprennent les choses correctement. Ils sont très équilibrés. Voyez, ils sont très équilibrés dans leur compréhension. Ils ne sont pas penchés d'un côté. Ils ne sont ni fanatiques. Aujourd'hui, Léo, tous les fanatiques de Branham ne sont pas les élus. Tous les fanatiques de Franck ne sont pas des élus. Tous les fanatiques d'un prédicateur ne sont pas des élus. L'élection nous équilibre dans notre compréhension. N'est-il pas écrit? Dans Daniel chapitre 12. Danieli kuminambiri. Et nous sommes au temps de la révélation. Tu comme wakati ya ufunuo. Nous sommes au temps de la révélation. Tu wakati ya ufunuo. Daniel chapitre 12. Danieli kuminambiri. Verset 8 à 10. J'ai besoin du verset 10. Napenda sana mustari ya 10. J'entends, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Amen. C'est vrai, frère. Si tu ne comprends pas la parole d'aujourd'hui, tu es un méchant. Tu es un méchant. C'est ce que nous avons vu vendredi. Tu es un méchant. Si aujourd'hui tu marches encore dans le péché, dans la haine, tu es en train de diviser ma kanisa pour les intérêts propres, pour tes ma faïda ya quoi, tu es en train de diviser ma famille avant tout, les familles des gens, tu es en train de briser ma bourrafique avant tout, tu es un calomniateur, tu es médisant, tu n'es pas un élu. Tu vis encore dans la mondanité, dans le péché. Les gens du monde entier. Ah, tu n'es pas élu. Si ta vie ne se conforme pas à la parole du jour, tu n'es pas un élu. Si la parole du jour est difficile pour toi de la vivre, tu n'es pas un élu. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, tu n'es pas un élu. Si tu es encore querellé, tu es plein de discussions, les élus n'existent pas. Je n'ai pas cru pour discuter. Mon salut est indiscutable. Mon appel est indiscutable. Si Dieu t'a appelé, tu ne peux pas discuter de ton appel avec quelqu'un. Si tu es sauvé, tu ne peux pas discuter parce que l'assurance vient de ton cœur et cette assurance vient de Dieu. Ce ne sont pas dans les discussions. Les discussions n'arrangent pas les choses. C'est vrai, frère. Tu vis dans le péché, dans la prostitution, dans les mensonges, tu ne comprends pas la parole. Depuis que tu écoutes la ne change pas. Tu es toujours le même. Tu es toujours la même. On donne des enseignements. Tu ne comprends absolument rien. Tu as toujours des questions. Non, tu n'es pas un élu. Si tu étais un élu, la confusion serait ôtée. Parce qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Comment est-ce que tu seras dans la confusion, mon vuruko? Sur ta bonne volonté, ta bonne foi, Dieu vous a donné un don de compréhension. Le Saint-Esprit est permanent pour venir t'ouvrir ton oreille spirituelle pour que tu comprennes deux fois ce que le prédicateur dit une fois. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Tu ne comprends pas parce que tu es un méchant. Aujourd'hui encore, tu tabasses encore ta femme. Aujourd'hui encore, tu continues à te prostituer. Aujourd'hui encore, tu es encore voleur. Non. Tu ne nous mens pas. Tu es en train de te tromper. Tu n'es pas intelligent. Ceux qui auront de l'intelligence. L'intelligence, Akiri, c'est fuir le péché. Un homme intelligent, il fuit loin le péché. Toi, tu n'es pas intelligent. Et tu n'écoutes même pas ce que la parole de Dieu dit. Tu viens à l'église, tu ne fais pas attention à ta façon d'écouter. C'est pourquoi tu continues encore dans les péchés. C'est vrai, frère. Na kiburi unaweke hapo. Et tu as même de l'orgueil. Nous, le message. Nous parlons le message du temps de la fin. Dieu nous a sorti de dénomination. Nous a pour changer ma bâtiment. Ce n'est pas changer ma bâtiment. Il y a catholique. On a comme petit bâtiment. Il y a tabernacle. On a comme bâtiment. Il y a la méthodiste. Ah, la pentecôtiste. On a comme bâtiment. Il y a catholique. Il y a message. Ce n'est pas ça. Il a une ville. Ce n'est pas ça. L'exode est interne. Oui, bien mes frères. Tu es ici, mais tu vis comme les autres. Et tu dis, je vois. Non, mais, frère. Je ne vois rien. Jésus a dit aux pharisiens, dites-moi, vous connaissez ma, que vous voyez, c'est pourquoi vos péchés vous dominent encore. Oui, bien, mes frères, la connaissance du message, qu'elle ne te rende pas orgueilleuse. Ou femme ou ya mujumbe. La connaissance du message. Qui qu'on a l'été à Baminifu ba mujumbe. Amen aux croyants du Kiburi. Message. L'orgueil. Kiburi. L'orgueil. Ya kuvumia. De ses vanités. De son les dénominationnels. À cause de la connaissance. Mais eux-mêmes ne sont rien Bobe et n'ont rien. Abana na kintu, abana na kintu. Ville où on a eu mariage et divorce. On a eu de cet âge. Les 70 semaines de Daniel. Ville ma connaissance sur le côté. Aïta koko. Ça ne va pas te sauver. Ouais, bien, mes frères. Non, Andou. Si c'est sur ça que tu te vantes, tu es aveugle. Dans Luc au chapitre, dans Jean chapitre 9, dans le verset 39 jusqu'au verset 40, Jésus lui dit alors, je suis venu en ce monde pour que ceux qui sont aveugles suivent les plans spirituels. Voyez. Et pour montrer à ceux qui croient voir qu'ils sont aveugles. Ceux qui se vantent sans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, vous allez comprendre. Mais ils sont là où le message est prêché. Ceux qui se vantent que ils sont en train de voir le message, l'esprit de l'âge leur dit qu'ils sont aveugles et nus et ils ne le savent pas. Tu es aveugle et nu et tu ne le sais pas. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Mais les élus ont une compréhension claire sur les choses de Dieu. Les élus ont déjà arrêté les discussions. Ils vivent ce que Dieu leur donne. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas prêchée. Kubishana, la moucha, des discussions. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est prêchée pour que nous puissions la vivre. Et en vivant, que nous puissions avoir la vie de Dieu. Oui, bien-aimé frère. Dieu en doukoumpendo. Oui, bien-aimé sœur. Dieu en doukoumpendo. Si tu es dans la confusion, tu es encore dans la confusion. Ta vie est dans la confusion. Ta compréhension dans la confusion. Tu vis dans le péché. Tu es un homme, une femme qui aime des discussions sur les versets bibliques, sur la parole. Tu n'es pas un élu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé d'arrêter. Je vous ai pris 15 minutes. Voyez bien, mes frères, on va continuer. Mon frère, ma soeur, secret mounene, le plus grand secret d'un Eli, c'est tout. Dans les dispositions. Dans les dispositions. Il est en bas. Dans les dispositions. À laquelle il s'amène. Les dispositions avec lesquelles il est. Pendant que Dieu parle. Tu as laissé ta maison. Mais tu es en train de somnoler dans l'église. Tu es un élu. Ou comme tu es. Est-ce que réellement tu veux que Dieu te parle? A qui tu as appelé à toi-même, là, ton mari est en train de parler. Toi, tu dors. Tu vas écouter quoi? Ton père est là en train de te parler, tu dors. C'est un mépris. Tu vas recevoir quoi? Tu comprends quoi? Frère, Duku. Dieu, il fait de grandes choses. Mais ces choses-là, grandes choses que Dieu est en train d'accomplir, avec les gens humbles, et il les fait dans la plus grande simplicité. C'est pourquoi? Même quand tu seras né de nouveau. Hata wakati nyota zaliko malaika batashuka. Ya budi ke les anges vont descendre. Et chanter alléluia. Bale malaika bataimbia muro yako. Les anges là, ils vont chanter dans ton cœur. Mais le monde extérieur ne saura rien. Abata yakini. Aina sema kama unapata roho mtakatifu. Si tu as le Saint-Esprit. Utageuka na kuwa jaune. Tu vas changer, tu deviens jaune. Au bleu. Au sort bleu. Macho yako. Et tes yeux. Itakuwa doré. Sera itaza kongala. Napana. Utakuwa paka ule mwanaume moyo. Na ule mwanamke moyo. La même mafazi yako ya zamani avec des vêtements ancien, moule, mais à c'est là où il y a de nouvelles choses. La simplicité de Dieu embrouille les gens. C'est vrai, frère. Tu vis dans le péché, tu ne comprends pas la parole, les enseignements, tu ne comprends rien, tu es toujours dans des discussions, tu n'es pas un élu. Lève-nous pour la prière à l'appel de Dieu. Mwito ya Mungu à la fin de Dieu mbele ya shikomba. Oui, bien-aimé frère. Dio ndukumpendwa. Les élus. Bateule. Dieu dit lui-même, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il y a un kintu qui est en bas, il t'a oublié dans le message, en tant que tu n'es pas un élu. Quand tu lis les mariages de divorce, tu vois la polygamie. Tu es un aveugle. Tu n'es pas un élu. À l'appel de Dieu. À la paix de Dieu, répondrai-je si ma mère l'attendrai. À la paix de Dieu, répondrai-je où je serai, on nous attendrait, où je serai. Je m'appelle à tout geste, j'entendrai ton âme maintenant. Où je serai, je m'appellera à tout geste, j'entendrai mon Nous ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu nous donne la compréhension juste de ce qu'il nous dit pour notre bien. Prions-nous tous ensemble.